La conférence, les parents manipulés visitent les enfants manipulés. Laquelle des deux est le plus manipulé? On va essayer de découvrir ça. Je pense que tout le monde pourrait prendre pour acquis que les parents sont manipulés. J'en connais pas beaucoup qui ne le sont pas. Mais au cas où il y aurait des parents extrêmement manipulés qui peuvent avoir suffisamment de snobisme et d'orgueil pour prétendre qu'ils ne le sont pas. OK. Je ne sais pas s'il y a déjà des parents qui ne sont pas allés au dépanneur avec leur enfant. Puis sortir de là avec des barres de chocolat, puis des. Non, ou une les crise. Les barres de chocolat ne sont pas au niveau des enfants pour rien. Qu'est-ce qui fait à ce moment-là que les parents tombent dans le panneau, je dirais? Ben, premièrement, il y a un cadre moral qui fait dire qu'un bon parent, quand même, ne fait pas pleurer ses enfants inutilement. Pas deuxièmement, il y a un cadre moral qui fait dire que quand un enfant broille en public, démerde-toi pour qu'il se ferme. Alors, s'il broille pour une palette de chocolat, tu déranges tout le monde. Si tu achètes, ici, t'es. Donc, l'enfant étant parfaitement conscient de ça, il dérange tout le monde sur lui. Lui, il va avoir ce qu'il voulait en te manipulant de cette façon-là. Il y a énormément de raisons sociales qui font en sorte que les enfants peuvent. Tu sais, c'est que l'adulte, c'est l'adulte n'a pas un talon d'Achille. L'adulte, c'est un talon d'Achille. Bon. Et le cadre social dans lequel on est placé, dans lequel on est instruit, c'est un cadre qui développe d'une façon magistrale ce talon d'Achille chez l'homme. Alors, l'enfant va à l'école pour apprendre à devenir faible. Une tapette spirituelle. Dans quel sens? Il apprend à obéir. Mais pas avoir de discipline. Non. On n'a même pas besoin de montrer à un enfant à avoir de discipline. Dans la majorité des systèmes scolaires, tous les systèmes industrialisés, enfin dans les pays technologiques, l'enfant va à l'école pour apprendre qu'il est médiocre, pour apprendre qu'il est une cruche, pour apprendre qu'il ne veut pas se prendre pour personne, surtout pas pour lui. L'enfant va dans une classe collective où il doit être socialisme, il doit être à l'égal des autres élèves. Un enfant qui est un peu trop brillant, les professeurs n'aiment pas tellement ça. Ça pose des questions de temps en temps qui prouvent que le professeur ne sait pas trop de choses. Deuxièmement, c'est dans une classe de mathématiques, l'enfant ne doit jamais poser de questions autres que sur les mathématiques parce que le professeur est spécialisé en mathématiques. Alors l'enfant, à travers toute l'évolution scolaire où on lui montre à se mettre en rang d'oignon, où on lui explique que les plaisirs de la vie se résument à 15 minutes de récréation de temps en temps, où on lui montre immédiatement à passer une partie de sa vie assis sur une chaise, qu'il pourra peut-être refaire plus tard, soit devant son téléviseur, soit dans un bureau. L'enfant est continuellement asservi par l'éducation. Il n'a pas le choix de choisir ce qu'il va aimer. On lui dit quoi aimer, on lui dit quand aimer, on lui dit quand jouer, on lui dit quand manger, on lui dit quoi manger, on lui dit quand dormir, on lui dit quand crier, quand ne pas crier, surtout. Alors finalement, l'enfant, il est totalement investi d'une structure de manipulation péjorative qu'on appelle l'éducation, qui fait en sorte que l'enfant devient un adulte qui sera relativement faible. Bon, l'humain va dire, bon, maintenant je suis un adulte, j'ai plus de prestance. J'ai rencontré un personnage à un moment donné qui a passé sa vie, quand il est rentré dans un quand j'ai rencontré du public, il a demandé la question, bon, ben, j'espère que je suis correct, je ne sais pas ce que les gens pensent de moi. Et puis, très, très, très âgé, vers les 60 et 70 ans, la première fois de sa vie, il rentrait quelque part, puis la question qui est apparue, c'était « Qu'est-ce que je pense de ces gens-là? » Puis, il était juste assez vivant pour se rendre compte qu'il venait d'inverser la question. Il ne se demandait pas qu'est-ce que les gens pensaient de lui, il venait de demander qu'est-ce qu'il pensait des gens. Et ça, c'est l'âge qui lui a donné une crédibilité égoïque. Il a fini par s'autoriser à s'accepter tel qu'il était, et là, il se demandait « Ouf! » Les gens, je ne veux pas côtoyer. Plutôt que de se demander, je ne sais pas s'ils vont vouloir m'accepter. L'éducation sociale, il est bâti comme ça. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Donc, on devient une passoire manipulatrice absolument totale. Il suffit simplement qu'on aille le goût de faire une chose, puis immédiatement, bang, on est confronté à la censure collective qui immédiatement nous demande, oui, mais minute, qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Pendant longtemps, sortir torse nu, l'homme sur le balcon d'en avant, ça ne se faisait pas, il fallait être sur le balcon d'en arrière. Parce que c'est indécent. Mais il se trouve que les 2 millions de personnes qui trouvaient ça indécent se retrouvaient toutes en arrière torse nu. Parce qu'en avant, c'est indécent, mais en arrière, on n'a pas le choix. En arrière, c'est correct. Bon, jusqu'à temps que lentement, ça prend toujours un temps d'évolution très, très lent, bien finalement, on a inversé les balcons, on s'est placé en avant avec le monde dessus. Puis là, torse nu en avant, ça dérange à moins. Or, dans un restaurant, c'est encore interdit. Il faut plus ou moins comprendre aussi qu'il y a là qui transpire énormément. Sur le balcon, ça ne dérange pas, mais dans le restaurant, ça peut quand même un peu nuire. Mais là, il est question simplement de salubrité. Puis si l'individu est investi d'intelligence dans son éducation, c'est pas bien compliqué. Il n'aura pas besoin d'avoir un écriteau, souliers, pantalons et chandail obligatoire dans le restaurant. s'il est investi d'intelligence, il va être capable de faire la part des choses. Mais l'enfant qui va à l'école, on ne lui demande pas de devenir intelligent. On lui demande d'être intellectuel, d'être savant, comme les chiens savants. On les dresse à faire des choses, puis quand ils le font bien, on leur donne un biscuit, une récompense, une flatterie. Puis quand le chien savant, enfin l'enfant savant, fait mal une chose, eh bien là, on le punit, on le prive de dessert, on dit pas ça en dessous de la table. Bon, l'enfant va accepter tant qu'il n'est pas trop haut. À un moment donné, il faut qu'il se penche. Là, il ne veut plus passer en dessous de la table. Là, il commence peut-être à voler des biscuits, il vole peut-être un petit peu d'argent, ou bien non, il fait des vols à l'étalage, il s'organise. Et puis, l'enfant, tout au long de son éducation, il est voué à devenir un adulte. Et un adulte, c'est l'espèce, à travers le règne humain, qui est le plus faible sur la planète. Mais il n'y a pas, pour revenir aux enfants, on va aller aux adultes, il n'y a pas une raison pour ça. À l'école, si tu avais 800 enfants dans une école, puis il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de discipline, il y avait... Si ah, il y a une nuance entre des règles et de la discipline. Si on se fie juste à l'intelligence de 800 personnes, 800 êtres, que ce soit des enfants ou des adultes, mais 800 personnes ensemble, je ne suis pas certain que dans les 800, il n'y aura pas suffisamment de monde qui vont être off-track, qui ne seront pas nécessairement intelligents, qui vont tout nuire à l'évolution des autres. Il y a un gros problème, c'est que si tu laisses 800 enfants dans une classe, 800 enfants, par exemple, qui ne proviennent pas des milieux où on les a contraints régulièrement, là, c'est même d'une classe libre, ils vont exploser. L'école avait. Bon. Si tu as 800 enfants qui n'ont pas été restreints régulièrement, okay, tu les places dans un milieu où ils sont totalement libres, tu ne pourras pas donner de cours de géographie. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais là, ils vont te le dire, il n'y a rien à faire. Il y en a deux ou trois qui vont t'intéresser, ils vont finir là. Tu ne pourras pas donner de cours de mathématiques, pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et parce que l'adulte veut absolument, absolument, absolument, dans son éducation d'intégration, obliger les jeunes à devenir des robots qui vont supporter une société dans l'avenir, société qu'eux autres ont appris à aimer et à vivre avec. Alors, ils vont prendre l'enfant, ils vont mettre des cadres et des lois extrêmement rigides pour le déformer totalement de façon à ce que l'enfant finisse par supporter la société plus tard. Mais tu vas à Nairobi ou tu vas dans des régions où la discipline, il n'en a pas plus que ça. Est-ce qu'il fallait une grosse discipline avant pour que les enfants apprennent à devenir cultivateurs comme leurs parents, ou forgerons comme leurs parents, ou comme leurs parents, faire ce qu'ils devaient faire? Non, pourquoi? Parce que c'était un élan naturel par différents phénomènes que l'enfant copie les parents ou que les parents s'investissent dans les enfants. Est-ce que c'était mieux? Ben, c'était mieux. Je connais, moi, un paquet de jeunes qui sont maintenant très âgés, qui sont devenus trappeurs ou coureurs des bois ou bûcherons parce que leur père ou leur père l'était et ils n'ont jamais été obligés de le faire. Du point de vue humain, c'est une évolution qui est moins sécrétante évolutivement, donc hormonalement, et ça nourrit un peu moins les dieux, mais c'est drôlement mieux pour l'humain. Aujourd'hui, étant donné qu'on a un cadre extrêmement rigide du point de vue de la société, c'est-à-dire que si l'enfant n'est pas de son prime jeune âge investi de toute une phénoménologie absolument synthétique qu'on appelle l'éducation, il y a tellement de choses qui sont non naturelles qui nous entourent qu'on doit taper dans l'enfant, si possible, à 4 ans. Alors, avant, il y avait l'école élémentaire. Après ça, on a mis la maternelle, il fallait taper plus jeune. Après ça, on a mis la pré-maternelle, il fallait rentrer dedans encore plus vite. Puis finalement, les garderies, d'ici une dizaine d'années, vont être investies carrément pour s'occuper de l'enfant. Dès que l'enfant est capable de se faire garder, vers les 6 mois, 8 mois, 1 an. Pourquoi? Parce que plus l'enfant sera solide, plus l'enfant va détecter les trous totaux, le tendon d'Achille qu'il appellera l'adulte. Dans un certain langage, c'est l'arriéré, c'est le taré, c'est l'imbécile. Bon, au lieu de talon d'Achille. L'adulte, souvent, du visuel d'un enfant, ça ressemble à ça. Et l'enfant devra être investi, manipulé, c'est-à-dire qu'il devra être reprogrammé totalement, de plus en plus rapidement, parce que sinon, il va carrément échapper au règne des adultes. Et pourquoi les adultes tiennent tant à mettre de l'ordre dans une classe? Si un adulte est complet, il rentre dans une classe, les enfants vont s'asseoir. J'ai connu quelques rares adultes qui rentraient dans une classe et les enfants s'assoyaient. Les enfants ne parlaient pas. L'adulte faisait des farces. L'adulte s'amusait, les enfants s'amusaient. Quand l'adulte disait « c'est suffisant », les enfants arrêtaient. Mais ça, ce n'est pas un talon d'Achille qui se présentait devant les enfants. Tandis que la majorité des adultes, ce sont des talons d'Achille. Ce sont des adultes. Lui, ce bonhomme-là, il ne s'en faisait pas avec ce qu'on pensait de lui. Il était vêtu selon son énergie, selon ce qu'il sentait. Il avait l'automobile qu'il voulait, une vieille cochonnerie. Ça n'avait rien à voir avec le salaire, il aimait son char. Et puis, il vivait comme il pouvait. J'ai connu un médecin qui vivait dans une roulotte. Bon, il a stationné sur le terrain de... Il fait là-dedans. Ce bonhomme-là, quand tu le rencontres, c'est un être humain qui semble avoir vécu. Ben oui. On dirait qu'il a 50 ou 60 ans d'expérience. Non. Parce qu'un humain normal, dans une année de vie, a peut-être un mois d'expérience. Un humain qui vit pleinement, Mais dans 30 années de vie, il y a 90, 130 années de ramasser sur la vie standard. Alors, les humains ont l'impression qu'ils ont vécu beaucoup. Un individu qui se respecte et qui se présente devant des jeunes, les jeunes vont le laisser aller. Donc, ils vont le respecter. Cet individu-là n'a pas à manipuler les enfants pour les faire écouter? Ou pour les... Pas pour les faire écouter. Il va les manipuler dans un système pédagogique éducationnel de façon à former les enfants, mais c'est autre chose. Il va les former. Tandis qu'habituellement, le système social, il ne forme pas les enfants. Il les membres, il s'organise pour que les enfants se ferment. Mais est-ce que les enfants sont... C'est par réaction qu'ensuite vont essayer de manipuler les enfants, les parents, c'est-à-dire? Ils sont manipulés d'après non. ce que tu dis, à partir d'après maternelle? L'enfant, lui, il est une structure d'explosion. L'enfant, il est en croissance, alors que l'adulte est en maturation. L'enfant, il est en croissance, ça veut dire que le plein potentiel légué par sa génétique n'est pas encore exprimé. De cette façon, l'enfant est difficilement manipulable. Il est forgeable. Mais on doit forger un enfant avant l'adolescence. Et pendant l'adolescence, il n'y a plus rien à faire avec un enfant qui est en crise d'adolescence. Et après l'adolescence, tu vas voir le résultat de ce que tu auras forgé avant l'adolescence. Bon. Pendant la crise de l'adolescence, tu sers de tampon. Tu peux observer tout simplement. C'est ça. Les parents qui manipulent bien gros, s'il y a un enfant qui est extrêmement faible, du point de vue génétique, tu peux arriver à le manipuler, tu sais. Mais aujourd'hui, interdire à une jeune fille de 14 ans de rentrer après 9 heures, après 21 heures, peut-être marcher une semaine ou deux, mais tu risques de ne pas tout plus avoir. C'est donc plus les enfants qui manipulent les parents que l'inverse? Non. Pourquoi les pas? Parents manipulent totalement les enfants, sauf que les parents manipulent les enfants d'une façon plus ou moins conséquentielle, c'est-à-dire que la grande manipulation des parents chez les enfants ne fait en sorte que les enfants agissent et se transforment, mais non pas selon l'attente des parents. Alors que les enfants qui manipulent les parents ont à peu près 100% de résultats par rapport à l'attente qu'ils ont dans la manipulation qu'ils vont intenter. La mère qui veut, par exemple, calmer son jeune dans un dépanneur parce qu'il va absolument avoir ce morceau de chocolat-là, celui-là, ce jouet-là, puis le morceau de réglisse, etc. Pour le manipuler, elle va peut-être crier. Mais lentement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va habituer l'enfant à l'entendre crier la bonne femme, puis il s'en fout. Puis en plus, lentement, quand elle crie, il se rend compte des yeux des autres adultes qui la pilonnent. Et il se rend compte de son malaise. Alors, elle manipule l'enfant à ce que l'enfant te la ramasse comme il faut par les culottes. Là, l'enfant décide de s'écraser à terre ou de la prendre puis il mange dedans. Il la veut. Là, la mère est totalement faite et elle manipule l'enfant, mais elle instruit l'enfant à carrément charrier les parents. Allez. Les professeurs, c'est la même chose. Un professeur qui, à un moment donné, se met à crier. On connaît son niveau d'éclatement. Donc, on connaît son niveau de faiblesse. Un professeur qui essaie de mettre de l'autorité, qui essaie de mettre... En tout cas, il y a des paramètres. Puis les enfants, c'est comme un cheval, ça vérifie immédiatement le cavalier. Et plus tu dénotes, plus tu donnes ton niveau de faiblesse à l'enfant, plus vite il va apprendre à te manipuler avec. Alors, les parents manipulent, comme tous les adultes manipulent les enfants, sauf que l'enfant étant en croissance, il a des nouveaux atouts quotidiennement. L'enfant, tu arrives à le taper, c'est réglé. Mais deux semaines après, vu qu'il est en croissance, qu'il y a des nouvelles gerbes de vie qui vont naître chez lui, au niveau psychologique, au niveau des crâniers, au niveau d'expression, au niveau de ce qu'il comprend. L'adulte, lui, il n'est plus en croissance. Il est en maturation. L'adulte, il mûrit, ce qui se passe en dedans. Mais il n'y a pas de nouveaux éléments, à moins qu'il rencontre un psychologue, qu'il rencontre un autre individu qui va venir le booster comme il faut. À moins qu'il lise un livre qui lui fasse, qui donne des révélations. Mais l'enfant, lui, a des révélations libre. Il s'auto-révèle des choses par sa croissance. Étant donné qu'il se révèle des choses, eh bien, le parent qui pense avoir réglé une affaire, bien, deux, trois semaines après, l'enfant peut être carrément, il dit que l'enfant est en croissance, il s'auto-stimule, et on ne l'a pas. Donc, l'enfant va toujours avoir la possibilité de voir ce qui se passe dans le monde, parce qu'il n'a pas encore été investi de fermer ses yeux. Alors, il y a eu un peuple qui s'appelait les Japonais, ils existent encore aujourd'hui, mais ils ont changé un peu leur structure. Les maisons étaient bâties avec des murs en papier. Des fois, on regarde les films et puis on aime ça, les petits pas qui s'ouvrent avec les murs en papier, puis la bonne femme qui marche à genoux pour faire une pièce. Mais pourquoi il y avait des murs en papier? Des murs en papier parce qu'il y avait des tremblements de terre au Japon. Et quand les maisons tombaient, quand tu recevais des murs en papier, ça faisait moins mal. Il y avait des murs en papier. Par contre, lorsque ça se chicanait dans la cabane, c'était des murs en papier. Tout le monde entendait. Tout le monde entendait, mais personne n'entendait. Les Japonais étaient bâtis, dès leur plus tendre enfance, pour continuer à jaser de thé et de riz pendant que le bonhomme, il bat sa femme dans le mur à côté. Le bonhomme, il était quand même civilisé. Il déchirait pas le mur en battant sa femme. Ça arrivait jamais. La femme était civilisée. Si le gars la tirait dans le mur, elle faisait tout pour éviter le mur. Puis là, elle arrêtait en avant, puis bon, elle roulait à terre, n'importe quoi. Parce que quand même, on était en civilisation. Et lorsque le bonhomme sortait 5 minutes après de là avec la bonne femme, qui avait encore des bleus et tout ça, elle se mettait plein de maquillage. Au Japon, on en vendait plein, hein, bon. Alors, elle se mettait de maquillage, etc. Puis quand les deux sortaient, bien là, ils venaient nous voir. Puis nous autres, c'était bonjour, café, le thé, la papa, le café, le thé, puis tout ça. Puis c'était vraiment rien pour ça. Puis jamais la femme avait en parlé. Puis le bonhomme encore moins, évidemment. Et puis c'était neutre. Mais on bâtit des individus qui se ferment totalement à la vie et totalement à la réalité. Alors, à un moment donné, on va dire, bon, alors, il y a un problème au Japon, les femmes sont battues par leur mari. Demande ça aux Japonais, ils vont te dire, hein? Ben voyons donc, as-tu déjà entendu parler d'une femme battue par son mari? Il n'y en a pas. Dans notre société, c'est la même chose qui arrive. Nos murs sont peut-être en béton, quoi qu'on entend pas des fois, puis on dit en carton. On entend pareil les voisins qui font des choses. Mais ce qui va arriver surtout, c'est que toute la société au complet qui ne nous plaît pas, tout ce qui ne nous plaît pas, on a appris pas. Comme les Japonais, quoi, qu'est-ce qui ne va pas? Ben non. Et les enfants, eux autres, comme les enfants japonais, les enfants ne sont pas encore fermés. Alors les enfants voient le monde tel qu'il est. Et on va dire, oui, mais ils le voient, c'est parce que c'est des enfants, ils n'ont pas encore l'expérience. Non. C'est pas de l'expérience qu'il faut, c'est de la possession qu'on appelle l'éducation. L'enfant n'ayant pas cette oblitération au niveau de la conscience, il voit les conneries. Voyant les conneries, il devient un danger immédiat pour l'adulte. Surtout pour l'adulte qui a passé une grande partie de sa vie à se cultiver et à s'instruire, à apprendre à être poli. J'ai déjà expliqué souvent que la politesse était l'apanage de celui qui arrive à mentir dans une codification. Comment se trouve mon chapeau? Ah, j'ai dit, beau, ton chapeau, il fait bien, ton chapeau, je m'en fous-tu de ton chapeau. Bon. Alors, c'est la politesse. L'adulte qui a perdu une grande partie de ses énergies, de ses visions infantiles d'un monde neuf, d'un monde nouveau, d'un monde où ce qui est citoyen planétaire, d'un monde où ce qui veut que les gens se parlent, bien, lentement, on lui fait dire que, hey, tu sais, réveille, puis c'est sa planète Terre. Puis dans le monde des adultes, non seulement on ne se parle pas, on détruit l'air, on tout ça. Il y a toute une amanchure. Et il faut que tu apprennes à avoir peur quand tu te promènes. Tu sais, t'es rendu à 14 ans, là, ma jeune fille, là, maintenant. Faut que t'aies peur de te faire violer, faut que t'aies peur de sortir le soir, faut que t'aies peur de ci, t'aies peur de ça. Alors, l'adulte doit donc détruire l'enfant qui est chez lui, puis lorsqu'il finalement arrive à être accepté par les adultes, il se ramasse avec des enfants qui viennent lui refaire dire, lui refaire voir que le monde dans lequel il est un monde finalement plus ou moins pourri. Mais quand tu as des enfants, c'est des choses que tu vas penser quand même. Si tu as une fille de 14 ans, tu vas quand même vouloir lui expliquer que ces choses-là peuvent arriver. Oui, le seul problème qu'il y a, c'est que le parent qui va vouloir expliquer ça à l'enfant, au lieu de lui expliquer l'intelligence d'une chose, il va essayer de transfuser sa peur émotive dans l'enfant. Il faudrait que ça soit expliqué de façon intelligente. Puis l'enfant, l'enfant est en train de se séparer du parent à l'adolescence, il est en train de vivre un sevrage psycho-émotif, puis les parents veulent essayer de transfuser leurs craintes et leurs contraintes à l'intérieur des enfants. Là, ça ne va plus. Alors, l'enfant va continuer à manipuler ses parents. Il n'a pas le choix. Mais l'enfant, quand il manipule les parents, c'est pas toujours, d'après moi, pour des choses nécessairement 80. Intelligentes. Non. Par contre, l'affaire des 3 barres de chocolat au dépanneur, c'est pas ce qu'on peut appeler de l'intelligence pure. C'est de l'intelligence pure du point de vue cosmique, mais pas pour du point de vue de l'enfant. Peut-être. Pas nécessairement cosmiquement, des parents. Oui, mais pas du point de vue de l'enfant. L'enfant, ce qu'il est en train d'expérimenter, c'est sa faculté de dominer le monde. C'est ça, l'homme. L'homme, il vit l'homme. L'homme n'est pas sur le plan planétaire. C'est plus exclusivement pour être manipulé par la vache qui décide de faire du lait ou pas faire de lait. Par le cheval qui décide de tirer ou de ne pas tirer, par l'automobile qui décide de démarrer le moteur ou pas. L'homme est là pour investir le monde, finalement, d'une autorité. Une autorité qui, un jour, sera intelligente, un jour sera conséquentielle et un jour sera intentionnelle. En attendant, l'être humain est manipulé. L'enfant qui vient au monde, nécessairement, il est investi d'une pureté d'esprit, d'une pureté d'intelligence, qui lui fait voir le monde comme il est, et il ne pourra pas prendre conscience de la vision qu'il a du monde tant que sa structure physique ne sera pas capable atomiquement de supporter la vision de conscience qu'il aura du monde. Le problème, c'est qu'en même temps que la structure physique se développe, d'un monde qu'on appelle le monde de la mort descend des mémoires qu'on appelle l'évolution de la psychologie chez l'enfant. Ce sont des mémoires réincarnationnelles, mais réincarnation ou pas, il y a une évolution psychologique. Et au fur et à mesure de l'évolution de la trame génétique, de la trame corporelle ou atomique moléculaire du corps physique de l'enfant, il y a l'évolution, la gestation de la psychologie de l'âme. Et le problème, c'est que l'esprit dans le corps de l'enfant, lui, n'évolue pas au même rythme. L'esprit a besoin d'une structure neuronique pour se développer. La structure neuronique chez un enfant arrive à presque à terme vers l'âge de 12-13 ans. Donc, de la naissance aller à 12-13 ans, avant que l'intelligence descende dans le corps physique d'un être humain, il y a de la place pour la gestation d'une sphère qu'on appelle la psychologie. Et habituellement, le système pédagogique est bâti dans le but de nourrir cette sphère psychologique-là et de la hanter. C'est là-dedans qu'on met la culpabilité, c'est là-dedans qu'on met le « qu'est-ce que les autres vont dire », c'est là-dedans qu'on met le péché, c'est là-dedans qu'on met la peur, la honte, la gêne, c'est là-dedans qu'on met le médiocrisme. Quand tu viens parler au professeur pour lui dire peut-être qu'il a fait une erreur sur la correction, puis que tu as 8 ans, puis le professeur qui t'attend, tu apprends à être médiocre. Après ça, c'est ton boss qui va là. Finalement, tu crées des hiérarchies humaines qui n'ont rien à voir. La hiérarchie humaine, elle a de l'intelligence seulement quand elle est coordonnatrice, et pas quand elle est dominatrice. Puis toutes les hiérarchies conceptuelles que l'humain applique aujourd'hui, que ce soit dans le système scolaire, que ce soit dans n'importe quel système, c'est pas coordonnateur. Le professeur, il n'est pas là pour coordonner de l'instruction, il est là pour dominer l'enfant. Les parents ne sont pas là pour coordonner une cellule familiale. Ils sont là pour dominer l'enfant. Pour dire à l'enfant, ferme ta gueule, là, c'est fini. Là. Moi, je mets la musique que je veux quand tu mets la tienne, quand je ne suis pas là. J'ai péché, moi, c'est mon système de son, c'est moi qui l'ai acheté, etc. L'enfant est dans un carcan où il étouffe. Et nécessairement, l'enfant, qui est un être humain, comme l'adulte, mais qui est plus un être humain que l'adulte, l'adulte est souvent plus un animal humain que l'enfant, l'enfant est souvent plus un être humain, eh bien, l'esprit qui vient animer l'enfant, qui lui va paramétrer une certaine structure de croissance chez lui, ne peut pas devenir plus intelligent chez lui, ne peut pas s'exprimer plus par l'intelligence, tant que l'enfant n'a pas un centre laryngé permettant l'expression orale convenable des choses. Pour cela, l'enfant doit mémoriser au niveau de sa psychologie un nombre X de mots. L'enfant doit apprendre aussi la phraseologie, l'enfant doit apprendre à avoir l'autorisation de s'exprimer. C'est pour ça le 12 ans? Ben oui. Alors, pendant que la structure neuronique finit la gestion programmative léguée par la génétique de son cerveau, eh bien, l'enfant se fait totalement ramasser les culottes à terre par ce qu'on appelle, avec fierté dans certaines théologies, l'âme, et par ce qu'on appelle aussi la psychologie. Et par la suite, qu'est-ce qui vient hanter l'humain? Sa culpabilité, sa honte, sa peur, son stress, son indécision. Qu'est-ce qui engendre le suicide chez l'humain normal? C'est encore ça. Bref, l'âme, la belle psychologie, devient la merde totale de celui qui veut évoluer. Puis, étant donné que l'adulte, lui, arrive avec une âme suffisamment constituée parce qu'on l'a dressé à ça, on lui a montré à être extrêmement ceci ou cela, eh bien, lorsqu'il arrive vers l'âge de 12, 13, 14 ans, lorsque le système neuronique peut prendre le dessus un peu, eh bien, l'esprit veut commencer, l'intelligence veut commencer à s'exprimer, mais elle est totalement annihilée, c'est-à-dire colorée, par le phénomène psychologique. Et lentement, notre phénomène psychologique veut rentrer dans un collectivisme d'État, un collectivisme soit moral, théologique, etc. Avoir un standard, réussir sa vie, ça veut dire être reconnu par les autres avant de mourir. Bon. Alors, là, nécessairement, notre adulte finit par, après l'adolescence, développe toujours, finit par continuer à développer le système de la psychologie, qui est le virus, finalement, qui agresse totalement l'homme, alors que l'intelligence n'arrive pas à créer des anticorps astrales, des anticorps psychologiques ou amiques, pour pouvoir annihiler cela. Ça veut dire qu'on serait mieux de ne pas avoir d'âme. Du début, l'enfant naissant, il attrape une maladie, quasiment, là, quand... Il attrape une maladie, sauf que cette maladie, c'est un virus qui est conditionnel et inconditionnel. C'est une charpente qui est nécessaire dans la structuration du corps de l'homme, mais le corps n'appartient pas à l'âme. Alors que le virus, s'attachant à l'âme, au corps, expérimente le corps et finit par se l'approprier. Et la problématique au niveau de l'évolution cosmique de l'homme, c'est que l'être humain doit finir par se détacher de ce virus, qui est l'âme. Alors, si on revient donc à cette structure, ben, lorsque l'adolescent étant maintenant en mutation en guerrière, c'est-à-dire que lorsque l'intelligence lutte contre l'investissement majeur de phénomènes réincarnationnels de mémoire du monde de la mort, de mémoire d'adulte, parce que ça se réincarne 24 heures sur 24 toute la vie de l'humain. Et bien, mais est-ce là, que ça se réincarne à partir de ses débuts à l'enfant ou ça commence à 12 ans? Non, ça se réincarne à partir de l'instant où il y a eu création humaine. C'est-à-dire que dans le spermatozoïde que tu envoies à ta femme qui rencontre l'ovule, dans le spermatozoïde, il y a déjà de la réincarnation de toi-même. Et puis finalement, ce qui se réincarne chez toi va poursuivre chez l'enfant et ça poursuit. Donc finalement, ça n'arrête jamais. Mais ça pourquoi, ne commence pas. Pourquoi l'intelligence ne peut pas descendre avant l'âge de 12 ans? Pour la simple raison qu'il faut un cerveau neuroniquement capable de comprendre la structuration du concept de l'intelligence. Et il faut un centre laryngé pour pouvoir permettre l'exprimer. La structuration d'un système de vocabulaire qui va permettre à la pensée d'être capable de s'enligner d'une façon intelligente plutôt que d'une façon émotive. Étant donné que la pensée se crée chez l'humain par l'apprentissage de l'écoute, et si le vocable employé par l'humain est une parole émotive, nécessairement la structure de pensée chez l'enfant sera une structure de pensée motive. Et lorsque l'enfant arrive à être capable de parler, eh bien, la première main, c'est la pensée qui s'exprime par la parole. Donc, il pense tout haut. Il ne parle pas réellement, il pense tout haut. Et pensant tout haut, il exprime de l'émotion. Il s'écoute encore et il continue à s'investir d'émotion, ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, toute la structure de phraseologie, la parole, devient une parole que j'appelle fausse, une parole qui ne sert qu'à penser tout haut, mais qui ne sert pas à parler. Et comme ça sert à penser tout haut et que la pensée est totalement tributaire de toutes les structures de manipulation, la mère qui pense que là, qui pense finalement, qui parle tout haut, « Maudit, je t'écœurerai », elle exprime simplement une pensée tout haut, c'est tout à fait émotif. Et régulièrement, l'humain a donc une parole qui est totalement désajustée par rapport à son intelligence. À l'adolescence, le cerveau est capable de supporter l'intelligence. L'enfant commence à s'intéresser, à s'éveiller à un monde. Mais là, il arrive à une mutation du corps biologique qui fait en sorte qu'il devient procréateur. On appelle ça la maturité. La puberté. Lorsqu'il devient procréateur, il y a une mutation hormonale totale à l'échelle du corps physique. Et tout le système de la psychologie de l'homme ne s'exprime que par le système émotif, hormonal, par le système endocrinien hormonal. Et là, donc, l'esprit qui a maintenant le temps de commencer à gérer, à travailler au niveau des cerveaux, du cerveau et de la structure neuronique, voit le cerveau se mettre à sécréter énormément de drogues, en l'occurrence de l'endorphine, qui est une drogue naturelle qui est similaire à la morphine. Il y a une oblitération de la conscience qui va se faire. Et là, l'enfant va rentrer dans une guerre où l'esprit va essayer de prendre le dessus au niveau du cerveau. Mais l'âme à l'intérieur, qui est collectivement reliée à la structure déjà établie au niveau du point de vue social, eh bien, va faire en sorte qu'ils vont créer une guerre majeure. Et comme il y a une expression hormonale totale, l'âme a la faculté de s'exprimer hormonalement chez l'enfant. Et immédiatement, elle a la faculté de s'auto-énergiser parce qu'elle s'exprime hormonalement, donc elle s'auto-expérimente. Et normalement, l'esprit se voit, non pas détaché ni déconnecté de l'enfant vers l'adolescence, mais par la suite, ça devient un adulte plus ou moins conventionnel, un adulte qui va de plus en plus avoir peur de risquer, qui va être moins vivant, moins dynamique, moins et qui va commencer à vieillir. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus en contact avec... Est-ce que la réaction des jeunes adolescents de vouloir fumer, prendre de la drogue, de la boisson, ça, dans ces âges-là, est-ce que c'est une réaction à la venue de l'esprit? Oui, c'est pour oblitérer la descente de l'intelligence chez l'enfant. Alors, il va écouter de la musique. La musique aussi. La musique, la drogue, la boisson, etc., ou même le sexe. C'est plus physiquement. C'est pour bloquer. Pourquoi? Parce que l'enfant qui arrive à ce niveau-là, comme d'ailleurs la majorité des adultes ont déjà passé par cette phase-là, où tu commences à voir le monde d'une façon trop claire, ça fait mal. Et la meilleure chose, c'est de t'organiser pour ne pas le voir clair. J'aimerais le voir comme tout le monde. Mais prends une bonne bière, bon, petit, tu le vois comme tout le monde. Là, tu prends ta bière, après ça, c'est vrai, finalement, la lune, c'est avec la lune. Bon. C'est-à-dire que quand tu étais réveillé, tu t'écris, moi, mais ça flotte là, c'est un as, mais c'est... Pose des questions. Là, tu vas voir des adultes conventionnels qui ont appris à répondre d'une façon extrêmement banale, dans la majorité des cas, ou qui ont appris à cesser de s'instruire dans ces choses-là. Tu ne lis pas de livres d'astronomie, tu fouilles pas dans les extraterrestres. Dieu, contente-toi de la bébou de rien pantoute. Garde ça simple. Oh ouais, écoute le prêtre, écoute la télévision, mais... Bon, à quoi ça sert la géographie? Tu répètes la même affaire pour voyager plus tard, gnignignignat. Tu sais, il dit bon... Puis l'enfant, ben l'enfant, non. Alors l'enfant va souffrir. D'ailleurs, on a beaucoup de suicides chez le jeune aujourd'hui parce que c'est un jeune nouveau et un enfant téflon. Et nécessairement, ben là, la capacité qu'on fait, c'est le monde de la mort, finalement. Il va se suicider, c'est un choix logique pour lui. Mais l'enfant est donc manipulé dans sa structure de conception de cette façon-là. Et pourquoi l'enfant manipule l'adulte d'une façon implacable? C'est parce que l'adulte n'a à peu près plus de contact avec son esprit, alors que l'enfant en a un. Et comme il est en croissance, ben il y a de temps en temps une possibilité de l'exprimer. Est-ce qu'on peut dire qu'inconsciemment, l'adulte serait jaloux du contact espritique de l'enfant? Inconsciemment, oui. Il y a beaucoup d'adultes qui vont être jaloux du contact espritique que l'enfant aura avec son propre esprit, avec l'intelligence supramentale. Et ça va, pourquoi? Parce que premièrement, l'enfant va comprendre des choses que l'adulte ne comprendra pas. Ça peut le rendre jaloux. Et parce que l'enfant va poser des questions que l'adulte s'est déjà posé, mais qu'il a oublié, puis qu'il a appris à se fermer à grand gueule. Puis là, si l'enfant, le moindrement, est tenace, ça tracasse et donc ça finit par hériter par jalousie. Et la jalousie peut se transformer en peur à un moment donné ou en inquiétude par rapport à l'enfant parce que là, il est bizarre. Mais tu as des enfants qui blessent les parents mentalement. Il y en a qui vont les blesser jusqu'à physiquement. Ça, c'est essentiel pour l'enfant dans sa manipulation par rapport aux parents. Pourquoi essentiel? Il ne peut pas évoluer sans ça? Non. Ça veut dire que tous les parents qui ont des enfants qui vont évoluer vont se faire blesser mentalement, moralement ou physiquement? Sauf si le parent est suffisamment réveillé pour que quand l'enfant a raison, l'enfant ait raison. Il faut lui avouer. pour s'acheter de linge pour eux autres parce qu'ils ont tous dépensé ce qu'il y avait pour les enfants. Oui, mais l'enfant va en simplement profiter. L'enfant, pourquoi qu'il manipule tout à l'heure, on parle de manipulation. Finalement, l'enfant, s'il veut avoir de quoi du parent, il est obligé de manipuler. Ah, il manipule comment? Ben, il manipule avec les tendons d'Achille du parent, puis habituellement, le parent, c'est un tendon d'Achille. Ah, il manipule comment? Ben là, il commence à manipuler avec soit si le parent achète jamais rien, il va commencer à crier, il va faire des scènes dans le champ. Mais habituellement, ce qu'on va faire, ça va être simplement, ben à l'école, mon chum, il y a telle chose. Chanceux, lui. Bien là, c'est parce que les parents, ils vont automatiquement rentrer dans la structure qu'on leur a inculquée, culpabilité. Hein? Puis là, ben là, les voisins vont penser que peut-être que c'est pas un bon parent. Il n'y a pas le yogourt qui. Il n'y a pas le sifflet qu'il veut, il n'y a pas les lunettes idiotes mauves, qu'il n'y a pas de filtreur ultraviolet dedans, mais il n'y a pas. Bon. Alors là, lentement, l'enfant va toujours commencer à parler de ses amis, à parler de ses voisins, à parler de ci, à parler de ça. Est-ce que le parent ne se fait pas manipuler par l'intermédiaire de l'enfant, par quelqu'un d'autre que l'enfant? Est-ce que l'enfant ne serait pas juste un contenant manipulateur, mais qu'en réalité, ce n'est pas lui qui manipule le parent? Ça va de soi. Il y a une partie de l'enfant qui manipule le parent seulement au niveau de l'intelligence. Lorsque l'enfant est intelligent, lorsque l'enfant oblige le parent à avoir des prises de conscience, c'est l'intelligence qui habite l'enfant, qui manipule pour que le parent s'ouvre. En réalité, il manipule pour que l'enfant s'ouvre, puis nécessairement le parent vive en contact avec l'enfant. Ça, on peut dire que c'est dans les 12 ans et plus. Non, même en bas. Chez l'enfant nouveau, ça va être dans les 3 ans et plus. Bon. Ils sont habités par l'intelligence? Oui. L'intelligence est là, mais l'enfant ne peut pas s'en servir, mais elle s'exprime. Par contre, on aura 80% des manipulations de l'enfant chez l'adulte, et là, la question, elle sort. Pour comprendre ce phénomène, on doit aborder un cadre autre que le cadre juste exclusif de la pédagogie, de la psychologie de Freud, etc. On doit aller chercher un cadre qui n'est même pas inclus dans la théologie, mais la théologie en parle. C'est-à-dire que cosmiquement, à quoi ça sert l'enfant, à quoi ça sert le parent, à quoi ça sert la manipulation. Alors, la question, c'est est-ce que l'enfant est un intermédiaire pour manipuler le parent? Un intermédiaire, donc, serait contrôlé par quelque chose d'autre, oui. Ou quelqu'un ou quelque chose? Tous les parents se servent de tous les enfants pour manipuler tous les parents, premièrement. Comment ça? Ce que tu dis à ton enfant, l'enfant le répercute, et le répercutant, il le répercute à d'autres parents, ça manipulera les parents, et le répercute à d'autres enfants qui vont après ça s'en servir comme trame, ça va manipuler les autres parents. Parce que pour manipuler le monde, tu peux manipuler les enfants? Oui. Par répercussion? Le problème qui arrive, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'on a une société qui pollue? Est-ce que c'est toi? Non, c'est les autres. Mais chaque eux autres, c'est les autres. Fait que finalement, c'est personne parce que c'est tout le monde. Il n'y a personne qui pollue, c'est que la planète est parfaite. C'est ça. Mais vu que c'est personne parce que c'est tout le monde, c'est ça qui est important à retirer. Alors, qu'est-ce qui manipule l'enfant à manipuler l'adulte? C'est l'adulte. Mais quel maudit adulte? C'est la société. La société, elle manipule tout ce qui la constitue de façon à ce que tout ce qui la constitue manipule la société, à manipuler ce qu'il constitue pour manipuler la société, manipuler ce qu'il constitue. C'est une réaction en chaîne. J'ai déjà défini dans un séminaire que la société humaine, elle était un paquet d'humains qui étaient en cercle et qui marchaient à la queue leu-leu. Et chaque humain il dit, « Ben, gars, lui, c'est une gang, là, et puis le cercle est tellement grand que tu penses que c'est droit. » Finalement, lui, ils ont l'air à savoir où ils vont, donc moi, je suis. Ce que tu sais pas, c'est que le premier en avant, c'est le gars en arrière de toi, parce que c'est un cercle. C'est toi qui suis. Alors lui, ben, il dit la même affaire, puis l'autre, il dit la même affaire. Fait que moi, je me retourne, hein, qu'est-ce que t'en penses? Ils savent où ce qu'ils vont, hein? Lui, il dit, oh oui, il demande ça à son chum, Puis finalement, le gars en avant, il se retourne, oh, ils savent où ce qu'ils vont, oh oui, hein, ils savent où ce qu'ils vont. On est un cercle. C'est ça l'humain. Alors finalement, parce qu'on est collectif, on se fie à l'idée. Alors, qui manipule quoi? Ben, c'est moi qui dis au chef de tête, suis-les. Puis le chef de tête, ben, il dit à son chef de tête, suis-les. Puis finalement, le gars en avant de moi, il me dit, suis-les. Puis moi, je dis, OK, puis je dis, OK, puis je dis, OK. Alors finalement, je suis manipulé par lui, qui est manipulé par lui, qui est manipulé par lui, qui est manipulé par lui. Mais tu es en même temps le manipulateur de celui qui est en arrière de toi. Oui. Mais si je dis, ben là, j'arrête. L'autre, il va dire, hey, le cap, t'es tout, avance. Elle m'a dit, hey, on arrête-tu? Il va dire, tu es fou, c'est quelle vitesse qui marche. Fait que finalement, tout le monde me manipule, mais je suis un des éléments qui manipule tout le monde. Alors, la société, elle est manipulée par la société. Ce qui fait que finalement, c'est personne n'est coupable parce que c'est tout le monde. Qu'est-ce qui manipule l'enfant? C'est la structure sociale. Et qu'est-ce qui manipule la structure sociale? Ce sont les adultes. Et qu'est-ce qui manipule l'adulte? C'est l'enfant. On est dans un cercle. On n'en sort plus. On en sort à cause de l'enfant. L'enfant, il vient éclater un peu, puis c'est toujours le jeune qui, finalement, il pousse les dinosaures. Les dinosaures meurent, puis ils reviennent après se repousser. puis lentement, ça change. De génération en génération, ça change un peu. Oui. Mais les enfants manipulent pas moins aujourd'hui les parents que la génération précédente. En tout cas, ils n'ont pas l'air. Je connaissais pas ceux d'avant. Là, j'étais dans ceux qui manipulaient avant. Mais est-ce que les enfants d'aujourd'hui manipulent moins les parents, non, ou plus? Ils manipulent autant. La nuance, c'est qu'au lieu de les te voir, tu as dit, papa, donne-moi la bénédiction. Puis là, le père t'a manipulé puis donné la bénédiction. Aujourd'hui, ils vont voir, ils disent, papa, prête-moi les clés. Alors, et nécessairement, par rapport à la tradition, les enfants, avant, manipulés par les adultes à devenir intégrés, traditionnalistes, ont manipulé les parents à rester traditionnalistes. Mais l'évolution est toujours exponentielle, ce qui fait qu'à un moment donné, les enfants étaient de moins en moins traditionnalistes, donnant des adultes de moins en moins traditionnalistes, et puis finalement, on a des enfants aujourd'hui, et beaucoup d'adultes, qui ne sont plus traditionnalistes du tout. Mais s'ils sont aussi manipulateurs qu'ils l'étaient dans la génération précédente, est où l'évolution? On se fait encore manipuler autant? Ben oui, mais ça frappe plus, c'est différent. Manipuler pour tuer ou manipuler pour sauver, t'es manipulé autant. Il y a une nuance majeure au niveau de la structure du monde dans lequel tu vis. Mais on va toujours être manipulé. On peut pas décider de ce qu'on va faire. Ben vois-tu? Non, non, non, ça, non. Ça, on décidera jamais ce qu'on va faire. Ça, l'être humain peut absolument pas décider. T'es pas pour le libre arbitre, là? Non, les arbitres, ça, même pas. Même l'humain n'a même pas le droit de penser qu'il y en a un. Il n'y a pas le choix de penser qu'il y en a un. Donc, on peut pas se fier à l'évolution de la planète à l'heure actuelle pour dire qu'on se fera de moins en moins manipuler dans une génération. Ah non, non, non, non, pas l'être humain totalement manipulé. Il y a aucune... Le parent... Bon, on fait une conférence ce soir sur les parents manipulés. Le parent sera manipulé par ma conférence à changer. Ou à ne pas changer. Le parent sera manipulé à manipuler l'enfant pour que l'enfant le manipule moins, suite à la conférence. Mais le parent restera manipulé. Et l'enfant restera manipulé. Par contre, on peut se diriger vers une manipulation qui sera de plus en plus écologique, intelligente, positive. Je manipule l'enfant à manger convenablement. La journée que moi, ça me tente de manger du croche travers, puis l'enfant, il vient me dire, « Hey, ce que tu m'as dit l'autre fois, là, pique-le. » Il me manipule parce que je l'ai manipulé. Si je suis intelligent, je vais dire, « Bien, effectivement, tu as raison. » Le parent conventionnel, il va l'envoyer promener. Fait qu'il faut pas t'attendre. Après ça, ce que l'enfant, il n'aille pas que mâcher les barres de chocolat pour qu'il les achète. Faites ce que je fais, faites pas ce que je dis. Ouais, non, faites ce que je fais normalement que les personnes font. Ouais. On a même fait sans vente. Vois-tu, je vais compter une petite histoire qui sort un peu du cadre de la conférence, mais veut pas, il n'y a rien à faire. Quand l'être humain me rencontre, de temps en temps, on m'invite dans des cercles, soit plus ou moins fermés, ou carrément dans des endroits un peu plus publics, et on veut que je solutionne des choses. On a entendu parler de moi, que j'étais, je généralise la condition humaine, et ceci, cela. Fait que de temps en temps, on me connaît pas, puis on m'invite. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas qu'ils t'invitent. C'est ça. Alors, quand, je ne sais pas si je le dis, on ne me connaît pas et on m'invite. Et là, quand on arrive là, ils disent, bon, ben voilà. Il y a tant d'employés dans la compagnie, puis les gens ne sont jamais motivés. Alors, de quelle façon on pourrait former les gérants pour qu'ils motivent les employés? On a essayé de leur donner un bonus. Un humain intelligent, il n'acceptera pas d'être esclave parce qu'il y a un bonus. Mais ça, je ne le dis pas. Parce que l'humain, même s'il paraît aberré, etc., même s'il rentre, puis il sac, puis il crache à terre entre les machines, puis tout ça, il y a toujours de l'intelligence qui habite l'humain. Puis à un moment donné, il finit par être tanné. Alors, on me pose des questions. Puis là, la réponse que je peux donner, bien, la réponse que... Il faut voir l'humain. Il faut que j'aille pas ma main voir ses employés. Fait qu'à un moment donné, je fais un petit tour de même, puis là, je sniffe. Après ça, on y revoit. Puis là, je peux leur dire, bon, si vous voulez avoir une solution, elle doit changer. Ah, on est prêt à changer. Non, non. Pas ta cravate puis ta façon de parler, au lieu de dire monsieur un tel, tu dis Pierre à la place. C'est pas ça, là. C'est pas des trucs. La gang que t'as en bas, si vous voulez travailler avec eux autres, vous allez devoir évoluer. Ah, ben là, franchement, là, ils n'ont pas fait venir un gars pour se faire dire qu'il fallait qu'il évolue. C'est pas ça qu'on veut comme solution. On veut pas évoluer, on veut un moyen puis hypocrite des ramasser. C'est ça. Fait que dans ce temps-là, ben là, ou bien je me retire, ou bien on travaille. On parle de manipulation des parents. On parle de manipulation des enfants. Si le parent est capable de voir l'enfant autrement que comme un petit cul, si le parent considère que chaque enfant est un être humain, comme n'importe quel adulte, et si le parent est capable de considérer que chaque adulte sur la planète, qu'il soit noir, grand, laid, beau, etc., est un corps physique qui a une fonction au niveau cosmique ou qui a une fonction évolutive, pas spirituelle. La spiritualité, elle est associée à l'âme. C'est autre chose. ça a été spirituel un grand bout de temps, puis l'âme, avec les phénomènes théologiques, le manipulateur majeur qui est les phénomènes divins, continue à forcer l'humain à ne pas trop évoluer. Mais on ne peut pas résoudre ou aborder un problème seulement en se limitant à la structure très planétaire de l'être humain, on échappe totalement aux solutions. Il n'y a rien à faire, on échappe aux solutions. Comment faire en sorte qu'il y ait moins de meurtres sur la planète Terre? Ah, ben si, le monde, il prierait plus Dieu. Les croisades, c'était quoi? C'était une gang de prieurs de Dieu qui ont été se battre. Ah, mais si les infidèles auraient plus prié Dieu. Bon, ben si on prierait tout Dieu, ce serait correct. Mais on n'aurait pas d'automobile, parce qu'on serait occupé à prier Dieu, c'est les gars qui ne priaient pas. Il y aurait un paquet de choses qui n'existeraient pas au niveau médical. C'est, ben, pendant longtemps, ceux qui priaient Dieu interdisaient carrément qu'on dissait qu'un être humain. Mais mort. Alors, Léonard de Vinci, il a fallu qu'il arrête à un moment donné de faire ses dessins. Il y a eu un paquet de choses dans le genre. La censure, elle a empêché Galilée de tourner autour de la planète. Parce qu'il y a eu des non-prieurs de Dieu, finalement, l'humain a évolué. Fait que la solution, il faudrait que les gens prient plus Dieu est fausse. Ça serait l'inverse? Ouais. On aurait moins de problèmes. Donc, la manipulation viendrait de ce qu'on appelle Dieu, en grande partie? Oui. Surtout que Dieu, il y en a plus qu'un. Dieu qu'un S. Qui se bat pour posséder l'humain et la planète. Il y en a plus qu'un. Alors, nécessairement, ça ne sert à rien de dire « portons la bonne nouvelle, allons nous faire martyriser chez les islams, chez les mahométans, de façon à leur faire, à finir par leur faire croire que notre Jésus, que notre Dieu est meilleur que leur Mahomet et leur Dieu. Et allons voir les Krishna pour leur dire que Krishna et Rama, c'était des orteils de Jésus ou de Dieu. C'est le nôtre qui est intéressant. Le nôtre qui s'accroît, qu'on a crucifié, nous autres, les intelligents. Faites-nous confiance. Quand il est venu, on l'a tué. Fait que maintenant, on vous le dit, c'est le bon. Faites-nous confiance. Ça marche pas. Alors, quand c'est comme si des gouvernements me feraient venir et me demander, bon, ben là, on va avoir la paix sur la planète. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va leur dire, si vous voulez avoir la paix sur la planète... Démissionnez. Envoyez-moi, ne posez-moi pas des questions comme ça, parce que vous ne pourrez plus vivre. C'est très simple ce qu'il y a à faire. C'est comme les parents. Qu'est-ce que les parents doivent faire pour cesser d'être manipulés d'une façon négative par l'enfant? C'est très simple. D'être manipulé de façon positive? Oui. C'est très simple, comment? Ouais. C'est essayer d'être un parent. Devenir un ami? Ouais. C'est simple. Mais le parent va essayer de jouer à l'ami. Comme le gouvernement. Au lieu de dire, ben non, ce pays-là, c'est plus un intérêt, c'est un ami. Bon, ouais, certain. On est un ami, on va le faire. Besoin d'un petit coup de pouce, là. Tu vas voir que l'ami, c'est un intérêt. Comme le Canada, c'est un intérêt américain, c'est pas un allié américain, c'est un intérêt américain. Les Américains, ils nous prêtent des armes, ils nous prêtent des petites bebelles, ils financent une partie du NORAD dans les Rocheuses. Parce que si les Russes attaquent, ils vont attaquer par le Canada. Fait qu'ils tiennent pas à... On est un intérêt, on n'est pas un allié. On n'a pas le choix. Bon. Est-ce que tu penses que tous les enfants sont prêts à être les amis de leurs parents? Mais non. Tous les enfants qui viennent au monde, oui. Mais tous les enfants qui sont présentement l'ennemi, tous les enfants qui sont mahométans, les parents qui sont témoins de Jéhovah, non. Les enfants qui sont de la même religion, ou peu importe. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est quand l'enfant est rendu à 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, tu as passé un grand bout de temps à taper dedans pour en faire un esclave, pour en faire un médiocre. Puis là, maintenant, tu veux être un ami de cet enfant-là. Non. Et trop tard. Il y a des fortes chances que, essaie de t'arranger pour connaître un enfant d'une autre famille. Tu seras ami de celui-là. Pour faire un échange. Puis l'autre, il sera l'ami du tien, c'est ça. J'ai souvent dit que pour élever et éduquer des enfants, surtout, la meilleure manière, ce serait de les échanger de temps en temps. Quand le tien, là, tu ne peux plus le sentir, puis que mon fils, moi, qui maudit qu'il est poli quand il vient à la maison, si l'autre, c'est sous le lit, puis le tien ne fait plus rien de ça. Par contre, le tien, quand il vient chez nous, il est correct. Je suis à vaisselle. Bon, ben là, on le change aux enfants. Puis quand ils finissent par être très tannants, on les change. Finalement, ils reviennent à la maison, ça donne tellement content qu'ils font tout comme il faut, puis on a rappelé. Sauf que ça ne marche pas comme ça dans notre société. Pourquoi? Parce que l'adulte possède l'enfant. Mais... pas juste d'une façon psychologique. C'est-à-dire d'une façon satanique. Non, il le possède totalement. Même matériellement, il le possède. Mais il n'y a pas de moyens. Tu veux dire, tu es en train de me dire qu'un enfant entre 8 et 15 ans, qui n'a pas été, disons, l'ami de son père ou de sa mère depuis sa naissance, oui, il n'y a pas de moyen si de le, revirer cette tendance-là. Oui, il y a moyen. Il faut que le parent accepte de ne plus être un parent. Il faut que le parent finisse par s'écraser d'une façon particulière. Je ne peux pas te donner un truc qu'on peut appliquer comme ça, puis qu'on arrive devant l'enfant, puis on s'écrase, puis on ajoute, il y a 25 en même temps en ville de Montréal qui font ce que j'ai dit à soi, qui essayent ça avec les enfants. Ça ne marchera pas. Les enfants vont savoir qu'il y a quelque chose de truc. Surtout que les enfants, tu sais, les parents viennent ici au centre, quand l'école va commencer. Hey, mon père m'a dit telle affaire, tiens, viens avec. Non, il faut simplement que tu acceptes de te déshabiller totalement devant l'enfant. C'est pas dangereux. Non. tu le fais à moitié, oui. Les enfants sont trop brillants, c'est pas être dangereux. Si tu le fais à moitié, oui. Si tu le fais totalement, non. Parce que l'enfant a besoin d'un allié sur la planète Terre. Il n'y en a pas d'allié. Ils vont se grouper en gang à un moment donné pour essayer de se créer une structure un peu plus forte. Il a besoin d'un allié, l'enfant. Il a besoin d'un allié. Puis si tu te déshabilles totalement, tu es le seul humain sur la planète qui va faire ça. Inquiète-toi pas qu'il ne te manquera pas. Il ne s'organisera pas. C'est justement ça que je rappelle, qu'il ne te manquera pas. Non, il ne te manquera pas, mais d'une façon très intelligente. Oh, il va peut-être te tester, parce qu'il sait que l'adulte, il fait une farce de temps en temps comme ça. De temps en temps, l'adulte, il a l'air correct, il a l'air cool, mais ça ne dure pas. Fait que ça, il sait, c'est que de temps en temps, l'adulte, ça y prend comme ça. Mais si tu te déshabilles totalement, plus que... Non, l'enfant va aussi commencer à se déshabiller, psychologiquement. Vous allez finir par vous allier. Puis après ça, restez déshabillé, par exemple, entre vous deux. Il n'y aura aucun problème. Est-ce que le fait de se faire appeler papa, maman, ça fait pas un pont plus grand que si tu te faisais appeler par ton prénom? Sur le chez l'enfant à nouveau, c'est évident que papa, maman, ça ne sera pas long, ça va être plus... Quand tu dis de déshabiller, ça peut être une étape, ça, de se faire appeler par son prénom? Se faire appeler par son prénom, avoir la possibilité de conseiller le parent. Même si les conseils n'ont pas d'allure, ça ne change rien qu'elle doit jaser. La possibilité d'avoir raison, puis quand il y a raison, il faut qu'il y ait raison. Puis si tu es devant tout le monde, reviens sur ta parole. Rien à faire, c'est comme ça. Faut que l'enfant, même en public, puisse te replacer, autant que tu le replaces toi. Sinon, tu ne le replaces pas en public, tu le replaces après, l'enfant fera pareil. Faut que l'enfant ait 100% les mêmes droits que toi. Et si un adulte peut permettre ça à l'enfant, ça va. Une chose qui est très importante aussi, c'est au niveau des salaires. Disons que moi, je travaille, ma femme ne travaille pas. Si, faut que ma femme soit dans la même énergie que moi, ça va de soi. Si moi, je travaille, j'économise, ma femme ne travaille pas, elle dépense tout, elle n'est pas dans la même énergie que moi. Un qui pense, l'autre qui dépense. C'est ça. L'enfant, c'est la même chose. Moi, je gagne tel montant par semaine et normalement, je dois le partager équitablement entre tous les membres de la famille. C'est ça, être un allié. Pourquoi? Parce que toi, t'es ma femme. Je sais, j'ai pas de goût. T'as du goût? Oublions ça. T'es ma femme. Tu travailles pas. Pour faire de l'argent. C'est autre chose. Travaille en tabarnouche, ma maison. Moi, je rentre avec mon 500 $ par exemple, brut de salaire. Disons qu'il me reste 300 $. Fait que là, on fait l'épicerie. Toi, faut que tu me demandes de l'argent. Fait que tu deviens nécessairement l'esclave. Le subalterne. Les enfants, c'est encore pire. Faut qu'elle demande à leur mère. Là, on va telle place. On sort au restaurant un soir, ouais. Mais là, si la femme, si tu me demandes ça, nécessairement, tu sais que ça implique que tu me demandes de débourser. C'est moi qui ai l'argent. Mais si je rentre à la maison puis que je sépare, tu travailles à la maison, tu as ton salaire. On sépare. Mais on sépare les dépenses. On sépare le loyer. On sépare l'électricité, on sépare le téléphone, on sépare l'essence, on sépare les paiements de l'automobile, on sépare tout. Mais là, on sépare. Puis les enfants, eux autres qui vont à l'école, ils travaillent aussi. Puis les enfants, on sépare. Peut-être dans un compte en banque à part. Puis tu prélèves le loyer, tu prélèves, etc. OK? On sépare. De façon à ce que dans la famille, il n'y ait absolument personne qui soit en dessous hiérarchiquement de l'autre. Là, si tu veux prouver que tu es un allié, tu es un allié. Mais nécessairement, l'enfant devra apprendre à économiser. Il n'a pas accès au compte en banque directement comme ça. Mais pas parce que tu ne veux pas qu'il dépense, parce qu'il y a de l'intelligence. Explique-lui l'intelligence. Puis l'enfant, il va te faire confiance. Il peut regarder son livre de compte, là, puis il y a 6 850 $ là-dedans après 8 ans, qui vit que toi. Là, tu donnes, achète une souffleuse, là. Bon, pour pelleter l'entrée. Là. On partage les frais parce qu'on vit dans la maison. Mais l'enfant va tout comprendre, ça. Il va pelleter. Oui, en plus. Bonhomme aussi. Mais là, la souffleuse, oui, c'est sûr. Alors, il va te suggérer la souffleuse tracteur avec reculons, tout ça, tu sais, mais là... Mais par contre, il y a une nuance, c'est que tout l'argent que tu aurais dépensé inutilement pour l'enfant, maintenant, il y a aussi son salaire, mais il va apprendre à travailler à la maison. C'est facile d'inculquer ça à l'enfant, si! C'est pas travail, là, puis t'as un salaire, tu vis, tu manges. Non, donne-lui donc de l'argent, puis prélève-la pour manger. Puis il achète sa nourriture. Là, tu élimines totalement les hiérarchies au niveau de la famille. Mais au niveau du couple, c'est déjà vital, ça empêche déjà le divorce. Puis quand les deux travaillent à part, qu'est-ce qui arrive quand la femme ou le bonhomme qui ne travaillait pas commence à travailler? C'est là que les problèmes commencent. Parce que celui qui était dépendant commence à être libre. Puis comme un enfant qui commence à être libre, tu le sais. Ça fait peur à l'autre qui avant était le boss. Quand l'enfant arrive adolescent, puis qu'il commence à pouvoir sortir, puis pouvoir se prendre en main, il commence à être libre, le problème arrive là. Évite ça tout de suite. Mets-le libre au départ. En tout cas, il y a des choses, il y a des solutions en main. Mais moi, quand même, compter ma petite histoire, elle est extrêmement utile pour comprendre les petites choses. C'est un parallèle. Alors, la Terre n'existe pas. La planète est à peine en croissance. Là, 4 milliards d'années. Mais dans cet univers, il y a d'autres planètes, d'autres soleils qui existent déjà depuis 4 à 5 milliards d'années. L'univers a 15,5 milliards d'années. Notre univers, pas la création, ça c'est plus vieux la création. L'univers a 15,5 milliards d'années. Alors, il y a sur un soleil une planète qui tourne. Il y a de l'intelligence dessus la planète. Et cette intelligence-là, elle a la faculté de s'expandre à travers cet univers. Mais dans l'univers, il y a des soleils beaucoup plus froids. Et il y a des planètes beaucoup plus froides. Et il y a des régions très en périphérie de l'univers, où il y aura des galaxies, et des régions en périphérie des galaxies, comme notre planète Terre d'ailleurs, qui est tout à fait dans la partie extérieure de l'aile de la Voie lactique et de notre galaxie. Et dans ces régions extrêmement froides, lorsque ces entités intelligentes expandent leur conscience-là, ils perdent, ils oublient des choses. Et ces entités-là ont une fonction qui peut être, du point de vue de la compréhension psychologique, un but, celle de connaître, de savoir l'univers, d'être dedans, d'être totalement conscient, d'être hyper conscient. Et dans certaines régions de cette création, de cet univers, il y a des régions où ça ne peut pas marcher. Il doit y avoir une adaptation. Alors, les êtres sur cette planète vont commencer à travailler. Ils ont conquis une grande partie de tout ce qui était universellement connu par eux autres, donc dans cet univers. Et seulement à les périphéries, des régions un peu plus froides, en création, des régions neuves, comme la Terre à l'époque, il y a 4 milliards d'années, boule de feu. Ces régions-là ne sont pas encore accessibles par cette intelligence. Et eux autres, ils ont une faculté d'arriver à expandre leur conscience et de s'unir, donc, dans la conscience. Et dans ces régions très, très, très, très loin et en création, ils vont engendrer sur leur planète une structure matérielle qui va être prélevée de des structures planétaires dans lesquelles ils veulent placer leur conscience. Alors, ils vont faire un petit voyage, une petite visite, et ils vont ramasser un peu de la matière de ce monde en création, un monde qui, maintenant, n'est plus gelé, un monde absolument particulier, un monde où il y a des continents très, très fragiles qui peuvent se défoncer au fur et à mesure de la densification de la planète. Et ils vont ramasser des structures minérales, atomiques de ce monde, et ils vont commencer à patenter et à créer des choses dans leur monde. Des choses pour créer une forme de matière qui aura la possibilité de proliférer. Une matière qui est capable de se reproduire, de se cloner tout seul. Alors, ils reviennent et ils implantent ça sur ces mondes froids, dont la planète Terre. Implanter dans ces mondes froids ces structures associées à l'évolution densificatrice, la Terre qui se refroidit, jusqu'à temps que l'atmosphère à queue tombe, le déluge, etc. Ils implantent cela et ça crée des choses. Dans ce qui est créé, c'est un laboratoire. Ça crée des trucs minérales qui vont s'associer. Ça va engendrer des acides aminés. Ils ne connaissent pas ça. Alors, ils vont venir ramasser certains acides aminés et ils vont commencer à transformer ces choses-là sur leur monde pour les réinvestir, les réimplanter à l'échelle de notre planète. Ça va engendrer des proliférations, encore une fois, des clonages, mais un clonage qui maintenant commence à être associatif. C'est-à-dire qu'on a deux trucs légèrement différents, mais presque pareils, qui vont être capables de s'associer finalement. Ça crée une espèce de mixage, puis ça peut se cloner, puis ça saute, puis ça crée des bébites. Et lentement, ça va créer une structure qui ressemble à la vie, une structure animée. Et ces personnages vont revenir ramasser encore des phénomènes animés sur cette structure planétaire, et ils vont tripoter encore des choses. Et ils vont les relancer. À un moment donné, ils vont devoir éliminer une grande partie de ce qu'ils auront implanté sur le plan planétaire, parce que ça, c'était des structures de base. Là, je parle des brontosaurus, des tyrannosaurus, je parle de ces choses-là. Je parle des grands végétaux aussi, là, qui servaient d'ombre à un tyrannosaure. Mais là, maintenant, quand tu mets du plus petit, ça sert d'ombre à une ville. On claire la bébé, on claire la plante. Et lentement, ils vont réussir à créer une structure qui semble être la structure de base la plus adaptée du point de vue de la matière, qui va servir de véhicule à la conscience de ces entités. C'est un vaisseau spatial qu'ils ont besoin, mais totalement adapté au monde où ils vont vivre. Un vaisseau. Un vaisseau qui peut se briser, se réparer. Un vaisseau qui est capable de permettre l'expression des choses. Un vaisseau qui a une forme, pas une bébite, la robot, qui marche. Quelque chose de mieux que ça. Puis quelque chose qui, en plus, peut faire en sorte que quand l'automobile est usée, elle en fait une petite automobile flambant neuve qui va grossir, similaire à elle, puis qui va continuer. Tu sais, un luxe, un vaisseau spatial, quand il est rouillé, tu t'en sors un autre, tu embarques dedans, tu continues. Une affaire géniale. Alors, lentement, ils vont travailler, puis finalement, ils vont réimplanter cette structure-là sur le plan planétaire, et ils vont la laisser aller. La problématique, c'est que tous les mondes qui se créent dans l'univers ont leur structure matérielle, ils ont leur structure atomique, ils ont leur structure vibratoire. Et la structure vibratoire des mondes en création engendre nécessairement des conditions extrêmement déterminées sur le monde en création. Et quand tu implantes un véhicule là-dedans, il y a des tendances à être en affinité ou en dissonance avec les perturbations même du monde dans lequel tu l'implantes. Quand le LEM, le module lunaire, est arrivé sur la Lune, bien, il y avait des petites griffes après les pattes pour se planter dans un sol au cas. Il devait s'adapter au monde lunaire. Sur le monde planétaire, c'est la même chose au niveau du contexte planétaire, où il y a beaucoup plus de structures atomiques, quoi qu'il y a quelques-unes qui vont être implantées pour permettre à la créature qui est là, le véhicule spatial ou terrestre, de pouvoir les prendre pour se former. Alors, lentement, il y a cette bébite-là qui se crée, et en même temps, il y a une condition extrêmement intime au plan planétaire, la planète Terre, qui est en gestation, c'est la structure atmosphérique atomique qui a la faculté de conserver dans sa vibration des événements qui passent, qui coulent dans le temps. On appellera cela une mémoire. Et donc, dans cette maudite planète, il y a une gestion atomique qui permet de mémoriser les conditions. Mémorisant les conditions, elle va, cette structure, mémoriser la bébite qui est là. Et elle va mémoriser, donc elle va expérimenter la bébite. Et cette structure mémorielle va s'associer à tout ce qui ressemble à elle pour pouvoir continuer à s'en nourrir. Alors, nécessairement, il y a une structure mémorielle de ce monde planétaire qui est associée aux objets minéraux, aux objets finalement animés. Et lentement, le véhicule planétaire qui est en croissance et qui, de plus en plus, s'améliore à travers des millions d'années, lentement, ce véhicule est l'un des rares véhicules qui subit une croissance, donc qui subit un changement, et qui est là depuis longtemps. Alors, lentement, il y aura donc engendré une mémorisation tellement puissante dans la structure atomique atmosphérique de cette planète, la Terre, que l'atmosphère planétaire va le reconnaître. Elle va s'y associer. Mais en plus, la structure proliférante, elle servira un jour à permettre à la conscience de venir l'habiter pour ne pas être refroidie. Donc, elle sera dans ce scaphandre et elle pourra maintenant vivre dans ce monde et par la suite créer d'autres vaisseaux pour le scaphandre, des vaisseaux spatiaux qui iront à la conquête du reste de cet univers et habiter par la conscience de ces êtres qui ont créé le premier vaisseau spatial qu'on appelle le corps de chair, qui lui, maintenant, va créer un vaisseau plus matériel pour permettre à ce corps de chair, habité par la conscience, de pouvoir attaquer à d'autres occupations, à continuer à fouiller dans les montres froids. Alors, cette conscience, donc, elle bâtit ce corps en fonction de pouvoir permettre l'expression de la conscience. La problématique, c'est que la conscience, elle, de temps en temps, elle vient s'immiscer à travers le corps physique pour juste bouger une chose. On vient, de temps en temps, le replacer pour diriger sa conscience. En ligne. Oui. Un phénomène des manipulations de l'association ou des troupeaux de ces véhicules, donc un des phénomènes des manipulations planétaires à l'échelle des mutations radicales, soit atlantéennes, soit européennes, les guerres, etc., provient de l'extérieur, dans le but de tasser les choses. Le grand facteur de travail de ce véhicule, les outils, les employés, les ouvriers qui changent les vaisseaux spatials et qui le testent, après ça, bien là, on en fait une réplique. Qu'on mélange, on en fait un enfant. Et puis là, on travaille dedans. Ce sont les hormones. Les hormones ont la faculté d'être ce qui va transformer. Et l'intelligence, par le biais des structures placées à l'intérieur du corps physique, a la faculté de sécréter les hormones un petit peu puis de transformer les choses. Le problème, c'est que chaque fois qu'une hormone est sécrétée, elle engendre une expression corporelle qui est ramassée par la sphère mémorielle de notre monde, de notre planète. Et étant donné que c'est ramassé par cela, le corps humain devient celui qui va donner le plus de mémoire à ce monde atmosphérique. Donnant le plus de mémoire au monde atmosphérique, il devient le privilège, la chose privilégiée par le monde atmosphérique, qui va devenir finalement le monde de la mort, qui va devenir le ciel. Alors lentement, dans ce phénomène atmosphérique et dans le phénomène corporel, il y a un virus qui va commencer à se développer. L'âme. Ce virus va être l'ingestion des mémoires archétypales du monde de la mort à l'intérieur des structures mêmes du corps physique. Et cette âme va commencer à sécréter des hormones, engendrant la tradition sécrétative qui va faire en sorte que le corps va toujours nourrir la même mémoire. Et on engendre donc toutes les traditions théologiques, les traditions. Mais là, en même temps que ça sécrète, ça mute le corps physique. Et pas toujours dans le bon sens, mais ça le mute. Alors là, la conscience de ces mondes extérieurs va commencer à manipuler, à essayer de venir pilonner, instruire ce monde de la mort. Qui investit l'homme, c'est-à-dire que maintenant, il a fait un petit clone de rien, puis envoie une petite particule dans le corps de l'homme, l'âme réincarnationnelle, pour le posséder.